Voici Guillermo. Voilà. Absolument. Ça va les amigos? Oui. Tellement bien, tu peux pas savoir. Oui, évidemment ça va bien, Nagui. On s'en doute que ça va bien. Samedi, vous savez qu'on célébrait les 40 ans de l'abolition de la peine de mort en France? Ouais, c'est plutôt réjouissant. Je pense qu'ici, à part Leïla, on est tous contre, je pense. Cécilie, elle n'était pas vraiment pour la peine de mort. Leïla, c'est juste qu'en tant que trésorière du fan club de Michel Sardou, je trouve qu'elle a une espèce de devoir de réserve. On va savoir ce qu'elle pense au fond d'elle. Finalement, c'est assez difficile à déterminer. Du coup, je vais vous raconter une histoire assez dingue dont j'ai parlé deux, trois fois sur scène. Et c'est l'histoire du tout dernier condamné à mort de droit commun qu'il y a eu en Belgique. C'est une histoire vraiment belge, quoi. Plus belge que ça, je crois que tu fais un 3-2 sorti de nulle part à la 92e minute avec Nagui qui t'envoie « Tu l'as bien dans le cul !» Et moi qui réponds « C'est vrai !» Nagui qui envoie « Non, dans le cul !» jusqu'à 1h30 du matin, à raison de 9 WhatsApp par minute. Chaque fois que la Belgique perd, l'action Bouygues prend 9%, je pense. J'ai regardé The Artist vendredi, j'étais étonné que Nagui arrive encore à tenir un micro tellement il devait avoir des callosités dans les doigts. À force de m'envoyer « Dans le cul !» Bref, t'es un chien. Tu veux que je publie nos échanges? Vas-y, je vais le faire. Vas-y. Allez, vous allez voir. C'est une très belle histoire franco-belge. Très belle histoire franco-belge. On est en 1918. Débrouille-toi. 1918, Première Guerre mondiale, et la Belgique est en grande partie occupée par l'Allemagne. On connaît l'Allemagne, grosse culture du tourisme. À l'époque, chaque fois qu'il tombait amoureux d'un pays, il venait avec l'armée, tu vois, pour être sûr d'avoir les meilleures places autour de la piscine. Bah, jusque 17h, c'était happy hour sur le Virgin Mojito, c'était dommage de pas en profiter. Mais c'est vrai qu'il y a un soldat belge, il s'appelait Émile Verfaille, qui commet un crime abominable. Il tue sa jeune maîtresse enceinte, un truc vraiment sordide. Bon, on parlait pas encore de féminicide à l'époque, mais bon, même en 1918, tuer une jeune femme enceinte, c'était pas considéré comme bon ambi, quoi. Tu vois, c'est pas que le président du tribunal fait Émile, ça suffit, arrête d'être sanguin comme ça, et prenez un chewing-gum. Pourquoi, monsieur le président? Parce qu'il faut la caser à un moment. La blague du prenage, je suis comme Émile. Voilà, sinon tout le monde va se demander où elle est dans la chronique. Et donc on le condamne à mort, Émile, parce qu'il était une ordure et qu'il n'avait pas la ref. Voilà, alors en fait, ça fait 50 ans qu'on n'exécutait plus personne en Belgique dès à ce moment-là. Mais vu le contexte de guerre où la mort est un peu partout, on décide de ne pas l'épargner lui, tu vois, et de le guillotiner, quoi, ce qui était plutôt logique. Problème, la guillotine belge se trouve à Bruges, et Bruges est occupée par les Allemands. Donc on n'a plus accès à notre propre guillotine. Là, tu dis, bon, c'est ballot, mais il y a des autres moyens d'exécuter les gens. Tu le mets dans une baignoire avec un grille-pain, tu le mets sur le périph à vélo, tu lui fais regarder Belgique-France avec son patron. Enfin, il y a moyen de tuer les gens d'ennui, tu vois, de lassitude. On n'est pas obligé de guillotiner, même si on est tous d'accord que la guillotine, c'est efficace, quoi. C'est vrai que c'est rare que ta tête soit séparée de ton corps et qu'on fasse, eh ben, il a survécu, le con. Regarde ça, il tient encore 5 minutes en gainage. Allez, Emile, on décolle une jambe. Allez, jumping jack. Non, soit. La justice belge décide qu'il nous faut absolument une guillotine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande une guillotine à prêter. Ouais, à la France. Ouais. Faut imaginer, on est en pleine guerre, histoire vraie, hein. On est en pleine guerre, il y a des millions de morts, la boue, il y a la boue, le froid, les enjeux sont considérables, la QG de Clémenceau, tring ! Allô, monsieur Clémenceau, c'est la Belgique, dites, est-ce que vous, à tout hasard, et donc, la France prête sa guillotine. Problème numéro 2, nous on a un bourreau en Belgique, un bourreau officiel, mais ça fait 50 ans qu'on n'a plus tué personne, du coup notre bourreau, il n'a pas d'expérience, quoi, il est puceau, on n'a pas du tout, on ne sait pas s'il va gérer, tu vois, ça va aller pour la guillotine. Mais je crois, normalement, tu as question de. Oh, ça va ton pied, sorry. Donc on n'est pas sûr du bourreau. Qu'est-ce qu'on fait? QG de Clémenceau, dring. Allô, monsieur Clémenceau, c'est encore en Belgique, dites, vous allez rigoler. Et donc Clémenceau prête aussi son bourreau. Bah, il dit, en effet, tant qu'à faire, prenez la formule, tu vois, pour 1 euro de plus, c'est con, c'est absurde de ne pas en profiter. All inclusive. Problème numéro 3, je vous crois, histoire vraie. On est en pleine guerre, il y a des bombardements partout, mais il faut acheminer la guillotine et le bourreau en train, quoi. Mais bon, voilà, notamment via des parties qui étaient contrôlées par l'Allemagne, sauf que l'Allemagne, à ce moment-là, comment vous dire, c'est pas qu'on était en bon terme, quoi, avec l'Allemagne. Ça, ils ont volé nos transats autour de la piscine, tu vois, on était un peu en. Tu vois, donc, et là, qu'est-ce qu'on fait? QG du chancelier allemand, dring. On a dû demander à l'Allemagne si la guillotine pouvait passer. Ah, vous n'avez pas votre propre guillotine? Si, si, mais là, Bruges, et comment, c'est vous qui occupez Bruges, je suppose que vous n'avez pas l'intention de partir tout de suite. Ah, bon, voilà, donc on se disait, le train va devoir traverser les. Est-ce que ça vous embête pas que je parle moins du monde? Ah, c'est gentil, allez, bonne fin de guerre, et fou aussi. Et vraiment. Fou aussi. C'est pas souvent que je fais des accents dans mes chroniques. Hein, profitez, hein, profitez. Et donc finalement, on a réussi à acheminer la guillotine, le bourreau, et à exécuter Émile pour un très bel exemple de collaboration franco-belge. Et là, comme par hasard, j'ai pas reçu de message de Nagui. Allez, bonne émission. Merci à vous. T'es un chien, parce que en plus, à la mi-temps, je t'envoie un message en disant, t'as vu, t'es en train de gagner. Mais une fois que le match a été fini, qu'est-ce qu'on m'avait envoyé, Nagui? Ah, mais des vannes sur le seum, mais je reconnaissais qu'à 2-0, franchement, ouais, c'était bien barré. J'ai même pas vu le match. Bien joué. Et il me disait, ouais, je regarde pas le match. Ouais, j'étais sur scène. Et à la fin, ouais, je dois avouer que je me suis lâché. Tu vois, il finit par avouer. Mais quel match de ouf! Mais quel match de ouf!